deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire sur l'histoire de l'Europe centrale. Aujourd'hui, le documentaire. Hier mardi, nous vous avons donné deux exemples de débats historiques qui se sont ouverts récemment à propos du passé en Pologne et en Hongrie. Demain, jeudi, nous nous promènerons dans le Prague médiéval et néo-médiéval et vendredi, nous tenterons de nous approcher des nostalgies centre-européennes. Et aujourd'hui, eh bien, ce matin, notre documentaire réalisé par Thomas Duterre tente de raconter comment, en plein cœur des années 70, des intellectuels tchécoslovaques ont saisi l'opportunité de la signature des accords d'Helsinki en 1975 pour réclamer le droit de publier et d'exprimer leurs opinions plus librement qu'auparavant. Ils ont été aidés en cela par des intellectuels européens comme Derrida, Jacques Le Goff, Paul Ricoeur et bien d'autres qui ont créé une structure, l'association Jan Hus, pour pouvoir venir clandestinement faire des conférences à Prague. 1968-1989, une dissidence tchécoslovaque, un documentaire d'Emmanuel Laurentin et de Thomas Duterre, avec les témoignages de Petr Janicka, d'Ivan Švatík, d'Ivanka Lefeuvre et de Jan Sokol jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Les premiers chars soviétiques investissent l'immeuble de la radio. Ils feront usage de leurs armes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de tir direct dans la foule, mais sur des immeubles. Les balles perdues, cependant, font des victimes. Ils sont venus avec des soldats. Ils veulent tout tenir par la force. Ils veulent tout casser. Quand vous rentrerez en France, racontez cela aux camarades de Charles de Gaulle. Charles 1968-1989, une dissidence tchécoslovaque. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin, réalisé par Thomas Duterre. Après l'invasion, il y a eu de grandes purges dans ce pays, surtout dans les milieux intellectuels. Tous les professeurs de la faculté des lettres ont été mis à la porte. Petr Janicka. N'ont pu plus exercer ni leur métier, ni publier, ni écrire. Donc ils se sont trouvés nettoyeurs de carreaux, gardiens d'immeubles, gardiens de nuit, etc. Un seul exemple, il y a eu un chimiste tchèque, professeur Wichterle, qui a inventé les lentilles de contact. Il a fait juste à la fin des années 70. Comme il n'a pas été totalement communiste et stalinien, il a été rejeté après l'invasion, sa carrière terminée, ses expérimentations terminées, etc., etc. Dans les bibliothèques publiques, on a mis au pilon des centaines de milliers de livres des auteurs tchèques comme Vaculík, Kundera, etc., dont la seule tâche était de s'être engagé dans le mouvement du printemps de Prague, c'est-à-dire une petite démocratisation du communisme. Ils ont liquidé des Hemingway, des Steinbeck, des Sartre. Pourquoi ? Parce que ils ont été traduits par quelqu'un dont le nom a été ensuite sur la liste noire, etc., etc. Donc, les années 70, c'était vraiment un désert total où la vie intellectuelle authentique tchèque n'a a cessé d'exister. En 1980, Antoine Speer, pour le Panorama de France Culture, interroge clandestinement à Prague Karel Bartošek. Nous étions des dizaines et des dizaines de milliers d'intellectuels ou des employés, des gens bon, qui étaient obligés après 69-70 à aller travailler physiquement. Il ne faut pas toujours croire que surtout quand on a l'âge, par exemple, 40-45 ans, que c'est facile de recommencer la vie et bosser parfois très durement. C'était la stratégie du système de prendre à cette nation, si je peux dire, le poumon de la culture. Quel est le but ? Par exemple, Ulysse, James Joyce, avait été traduit, et le grand problème de la maison d'édition était publié ou non. Ça a duré des mois, peut-être des années. Les débats étaient situés au niveau du comité central du Parti communiste, etc., parce que Joyce a été considéré comme quelque chose de subversif. Alors imaginez-vous que finalement, ils ont dit oui, parce que quand même, on a fait le travail, etc., puis quand même, Joyce n'était pas politique. Mais le livre ne figurait pas dans la librairie. On ne pouvait pas l'acheter. Il a fallu avoir un papier noté par différentes institutions, avec un beau cachet, évidemment, stipulant que voilà, le porteur de ce papier est un travailleur intellectuel et il a le droit d'acheter un exemplaire de James Joyce. C'est comme ça que j'ai eu mon James Joyce, parce que je sais plus qui, mais des amis d'une rédaction m'ont fait un papier avec un tampon. Voilà, il est traduit. Il a le droit d'acheter un James Joyce. Quand j'étais étudiant en français à la fac, je peux vous dire que le premier jour, on nous a réunis, on nous a dit, écoutez, vous êtes des étudiants de la langue française, sachez qu'il vous est interdit d'aller à l'Institut français. Si vous y allez, vous êtes fichu. J'y allais quand même, ça allait. Cette bibliothèque, à ma connaissance, avait une structure très bizarre avec deux directeurs, un directeur français, un directeur tchèque. Directeur français, un fonctionnaire d'État ou un intellectuel, directeur tchèque, un fonctionnaire de la police secrète tchèque. Donc les Français fournissaient Le Monde, par exemple, que le directeur tchèque, le jour même, confisquait toujours dans son bureau et ne le prêtait qu'à quelques personnes, qu'aux Français vivant à Prague ou aux quelques étudiants algériens, tunisiens qui étaient là pour faire leurs études. Alors moi, quand j'y allais, je pouvais lire seulement l'Humanité qui datait de une semaine, 10 jours. Et des fois, même l'Humanité était trop anti-régime, donc il y a eu des numéros qui étaient confisqués aussi. Dans nos pays, il y avait un seul employeur, c'est-à-dire l'État. Jan Sokol. Et si l'État ne vous aimait pas, si la police secrète disait « celui-ci ne doit pas obtenir aucun travail », c'était fini. Le chômage était un crime dans le régime socialiste. Si vous n'aviez pas dans votre carte d'identité un sceau de l'employeur, vous étiez liable à une poursuite. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Mon frère, ne pleure pas, ce ne sont pas des monstres. Dis-moi, tu es déjà grand, ce ne sont que des soldats, ils sont venus dans les grands tanks en fer. Mon frère, n'aie pas peur, ne donne pas tes larmes comme ça si facilement. Préserve tes forces, tu ne dois pas m'en vouloir si on n'y arrive pas. Apprends cette chanson, elle n'est pas si difficile. Et accroche-toi, mon frère, le chemin est rude. Nous allons y aller, nous ne pouvons plus reculer. Helsinki, c'est parti. Ce qu'on considère déjà comme la plus grande conférence d'après-guerre a commencé à 12h10 heure finlandaise, il était 11h10 à Paris. 35 chefs d'État ou de gouvernement pour mettre un point final à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Ils sont tous là. Ford, Brezhnev, Wilson, Schmidt, Giscard d'Estaing, Tito. Tous les Européens, plus les Canadiens et les Américains. À Helsinki, pour France Inter, Alain Trampolieri et Yves-Paul Vincent. Turo Kekkonen, le président finlandais, a prononcé son discours de bienvenue, dont il faut, je crois, retenir cette petite phrase. This is the time to state that the past has been buried and that Vous l'avez peut-être compris en anglais, M. Kekkonen a dit « Il est temps d'affirmer que le passé est enterré et que la période malheureuse de notre continent est finie. » À quoi il faut tout de même ajouter cette précaution du président finlandais « Il est temps maintenant de passer de l'intention à l'action, autrement dit, l'acte final que nous allons signer tous ensemble devra être suivi d'effets. » Les accords d'Helsinki, signés le 1er août 1975 entre 35 États, dont les États-Unis et l'URSS, comportent un volet sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont vont s'emparer les opposants à la normalisation imposée depuis 1968 et le printemps de Prague. Parmi eux, les membres d'un groupe d'Europe psychédélique, Plastic People of the Universe, arrêtés par le pouvoir. Prší, prší, prší. Il pleut, pleut, pleut. Víc nežli se sluší. Plus que ce qui est bon. Diabel mi sedí na duši. Le diable est assis sur mon âme. Mlha si sedla za okno. Le brouillard s'est installé derrière la fenêtre. Po celém městě je toute la ville est sombre. Je konec. C'est la fin. Nebo se mi to jen zdá. Ou juste mon impression. Slunce mrtvé stojí. Le soleil mort est debout. Strašidla se rojí. Les fantômes émergent. Všichni se bojí. Tout le monde a peur. Po nebi jde hrozný tvor. Un monstre terrible défie dans le ciel. Nebo mor? Est-ce la lèpre ou la peste? Les loups arrivent de la montagne. I elektřina přestala svítit. Même l'électricité a cessé de briller. Ni le gaz ne veut s'allumer. Se rozkřičeli smíchy. Et les corbeaux crient de rire. Il y a des intellectuels qui sont entrés en contact très étroit avec ces musiciens, parce que normalement c'était deux couches tout à fait différentes qui ne se rencontrent pas si simplement. Jan Sokol. Et donc ces intellectuels ont commencé à organiser une pétition pour que les musiciens soient lâchés. Et la pétition a eu un succès, ce qui était, à vrai dire, une surprise. Et de cette surprise a commencé l'idée qu'on pourrait faire un autre pas et passer vers une critique plus large des défauts du régime. Il faut dire qu'on a, à la charte, on n'a pas parlé du socialisme et on n'a pas critiqué le régime comme tel. On a critiqué les points où le régime ne respecte pas les droits de l'homme. Parce qu'à l'époque, c'est le Parlement tchécoslovaque qui a ratifié les accords d'Helsinki et la liste des droits de l'homme. Donc, c'était une bonne occasion de le rappeler. Charta 77. Charte 77. Nous saluons l'adhésion de la République socialiste tchécoslovaque aux deux conventions. En même temps, leur publication nous rappelle avec une urgence nouvelle combien de droits fondamentaux du citoyen ne sont, aujourd'hui encore, reconnus dans notre pays, hélas, que sur le papier. En tant que signataire de cette déclaration constitutive, nous confions au professeur Jan Patočka, à Václav Havel et au professeur Jiří Hájek le mandat de porte-parole de Charta 77, de la Charte 77. Nous sommes persuadés que la Charte 77 contribuera à faire en sorte que tous les citoyens tchécoslovaques puissent vivre et travailler en homme et en femme libre. Praha, 1er ledna 1977. 241 podpisů. Prague, le 1er janvier 1977. En février 1977, le journaliste Daniel Bilalian interroge clandestinement pour la télévision française Jiří Hájek, un des trois porte-parole de la Charte 77, avec le dramaturge Václav Havel et le très célèbre philosophe Jan Patočka. Quel peut être l'avenir de votre mouvement? On a montré une certaine initiative. Cette initiative ne tardera pas à être reprise dans des formes très différentes. Jiri Hayek. Vous savez, ça ranime les courants de 68. Est-ce que les conditions de votre action sont très difficiles pour vous, je crois? Oh, je crois, certainement, elles ne sont pas trop faciles. Comme vous voyez. Patočka était élu comme un des porte-parole. Il était un homme qui n'était pas conflictuel. Donc, à mon avis, c'était la première chose qu'on a appréciée sur lui. Jan Sokol. Deuxièmement, Patočka était un homme qui était capable de formuler le but et le contenu de la charte d'une manière qui est impeccable, claire et pourtant pas tellement polémique. Une certaine, disons, morale qui est assez générale, qui n'est pas ni de droite ni de gauche, oui, qui est fondée sur l'existence humaine et tout ça, d'une manière merveilleuse parce que ça a rassemblé les gens de toutes orientations possibles. Actuellement, les signataires de la charte formaient différents groupes, mais la charte n'était jamais une société homogène. On a tenu pour très important qu'il y ait des courants différents. Anciens communistes qui ont fait l'expérience de 68, il y avait des chrétiens, pas seulement catholiques, aussi protestants. Mmh. Il y avait des gens, des socialistes, il y avait des libéraux. Et tous étaient unis sur la lettre de la charte. Journal d'Antenne 2, 28 février 1977. La surveillance a été renforcée autour des signataires de la charte 77, en particulier des deux hommes que vous aviez vus hier soir dans le témoignage bouleversant de Daniel Bilalian et Jacques Douai, messieurs Patočka et Hayek. Victime de longs et multiples interrogatoires, monsieur Patočka est à l'hôpital. Il y a 5 jours, quand Antenne 2 le rencontrait, il allait pourtant très bien. Nous mettons notre espoir non pas dans des changements spectaculaires, des changements des lois, de constitution, etc., mais dans le changement de la façon de procéder des autorités. Nous serions satisfaits si les autorités prenaient vraiment garde à répondre à toutes les pétitions, aux demandes pour lesquelles on délai légal est statué et qui ne reçoivent jamais de réponse actuellement. Le travail de la charte consistait à rédiger des critiques des différents domaines de la société. Par exemple, la santé publique, l'éducation, l'histoire, presque une centaine. De points débattus, critiqués. C'était même des matériaux écrits. Il y avait des gens qui étaient pour et d'autres, même dans la charte, qui avaient leurs objections. Tous ces gens ont été écrasés par le régime, quelques-uns emprisonnés, tous ont perdu leur travail, même leur travail de laveur de carreaux, de gardien de nuit. Petre Janiska. Ils ont perdu leur permis de conduire, certains ont perdu même les allocations familiales, leurs enfants ont été rejetés des écoles secondaires, pas question d'université pour leurs enfants, etc. C'était vraiment dur. Journal d'Antenne 2, 13 mars 1977. Prague, ce matin, Jan Patočka, l'un des porte-parole de la charte 77, est mort à l'hôpital où il était en traitement depuis une semaine. Le philosophe tchèque avait été interrogé par la police il y a 10 jours. Un interrogatoire épuisant qui avait duré 11 heures, pendant lesquelles des moyens de pression psychologique avaient été employés contre Patočka. Très fatigué, le philosophe avait connu une défaillance cardiaque et ses médecins lui conseillaient un long repos. Il avait 69 ans. dernier étage dans un bâtiment ancien de la vieille ville de Prague. Nous montons sous les combles et y retrouvons les philosophes Ivan Svatik et Andrei Švejk à la découverte des archives du grand philosophe Jan Patočka. Takže jsme pochopitelně neváhali a protože byla neděle, kdy Patočka zemřel. Anský koncern Le Manuscrit de Jan Patočka. J'ai conçu cette idée le jour même de la mort de Jan Patočka, qui était dimanche, en pensant que la police secrète est un peu paresseuse, que les ordres ne seront donnés que lundi, et donc il fallait agir tout de suite. Dimanche même, le soir, nous sommes venus et nous avons emporté toutes les feuilles de Jan Patočka. A potom všechny ty papíry. Et ensuite, les manuscrits ont été conservés, d'abord dans un appartement secret, chez une dame âgée, où personne ne les retrouverait jusqu'au moment où nous avons fondé les archives en 1990 ici à Prague, dans ce lieu. A mezi tím, samozřejmě, jsem po částech. Déjà pendant les années 80, petit à petit, j'ai trafiquer un peu en contrebande les différents cartons avec ces manuscrits à Vienne, à Institut Wissenschaften für Menschen, dont l'un des premiers projets a été précisément l'édition en allemand de l'héritage de Jan Patočka. Et dans ce moment-là, évidemment, tout ce qui se passait sur le plan non officiel a été très important. Donc les écrivains qui ne pouvaient plus publié en Tchécoslovaquie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à écrire, Petr Janiska, à diffuser leurs textes, ce qu'on appelle en samizdat. Donc on a tapé à travers des papiers carbone, donc ça donnait au maximum 8-9 copies, la dixième déjà était plus lisible. Samozřejmě těch exemplářů na psacím stroji se dalo udělat maximálně 10 nebo 11. Donc bien sûr, les possibilités de faire des copies étaient limitées. Au maximum, ce que nous avons réussi à faire de façon lisible, c'était 10 ou 11 exemplaires avec une machine à écrire. Bientôt, nous avons cherché la possibilité de faire des photocopies avec une machine assez primitive, Xerox, mais qui nous a beaucoup facilité le travail. L'une des choses presque paradoxales était que l'une des seules photocopieuses, une grande machine à l'époque, se trouvait au ministre des Finances du régime communiste, où nous avons, grâce à nos contacts, réussi à imprimer d'autres copies. On tapait à la machine à écrire. Ivanka Lefeuvre. Si possible, avec les lettres métalliques des vieilles machines Olivetti. Ça c'était les meilleures parce qu'elles faisaient jusqu'à 18 copies avec papier carbone. Et donc, c'était les livres. Et après, il y avait les personnes qui faisaient la reluire pour relier ces pages. Et voilà. Donc, tandis que les étudiants de Paris pouvaient nous apporter les livres imprimés. C'était nombreux, vraiment nombreux. Mais je me rappelle bien de Sylvie Gautreau. Je me rappelle bien de Marianne Canavaggio, qui est devenue après une grande traductrice. De Michel Bernard, de Carole Paris. Et il y en avait certaines qui comprenaient pas trop, qui faisaient les messagers, mais qui comprenaient pas trop et qui me disaient « Mais pourquoi on amène les livres tchèques de Paris qui étaient imprimés, je sais pas, en Suisse ou à Paris ou en France ?» Et après, au retour, ces jeunes filles prenaient les manuscrits pareil, taper sur la machine ou quelque chose aussi sur papier très fin pour que ça puisse passer dans les vêtements, par exemple. Parce que je me rappelle qu'un jour, on faisait la couture dans la doublure d'une veste d'un Français et qui, effectivement, après, a passé la frontière avec cette veste qui était pleine de manuscrits de, je sais pas, de Václav Havel ou un autre écrivain ou philosophe en Turquie. Et c'est comme ça que même, par exemple, Hrabal a publié plusieurs de ses livres. Boïmil Hrabal, le fameux Hrabal. Ces textes ont ensuite été transportés à l'Occident, et l'a publié, et c'est grâce à quelques éditeurs allemands, français, autrichiens, suisses et autres canadiens que les auteurs pouvaient vivre, parce que s'ils n'avaient plus de possibilité de publier ici, ça voulait dire qu'ils n'avaient aucun revenu. Et le régime pensait qu'il allait les écraser en leur ôtant tous leurs moyens. Et dans ce contexte-là, Petre Janiska, tout ce qui venait de l'étranger intellectuellement prenait un aspect très important, beaucoup plus important que l'œuvre ou le texte lui-même. C'était toujours un petit acte de dissidence politique, je dirais. Il y avait déjà une certaine circulation des amis. Jan Sokol. Ce sont des touristes ou bien des amis qui sont venus. Naturellement, nous, on ne pouvait pas voyager, mais les amis français sont venus, les amis allemands, autrichiens, britanniques, tout ça. Ça a été même, dans une certaine mesure, dans les années 80, déjà organisé comme une série de conférences à la maison. Et naturellement, tout ça, il ne faut pas se imaginer que c'était quelque chose comme ce serait aujourd'hui, avec des affiches. Oui, moi, j'ai participé à des conférences plutôt philosophiques ou sociologiques ou culturelles. Et c'était toujours à la maison, dans un appartement de quelqu'un, quinzaine, vingt, même par exemple, trente personnes se sont rassemblées, ce qu'on a pu reconnaître d'après les chaussures qui étaient devant la porte de l'appartement, parce qu'ici, en Tchéquie, c'est presque une norme de laisser les chaussures à l'entrée. Vous pouvez imaginer qu'une assemblée de 30 personnes, c'était déjà une certaine somme de chaussures. Et puis, on a entendu la conférence, on a discuté, et puis, le plus souvent, on a arrangé aussi une promenade guidée à travers la ville. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir conduire comme ça, par exemple, Paul Ricoeur ou des gens comme ça. Ouverture demain à Prague du procès de 6 dissidents tchèques, tous sont accusés de menées subversives et d'intelligence avec des pays étrangers. Plusieurs d'entre eux avaient signé la charte 77 pour la défense des droits de l'homme, tous faisaient partie d'un comité pour la défense des victimes de persécutions injustes dont l'objectif est de dénoncer les abus du pouvoir des autorités. L'accusation estime qu'en critiquant le jugement rendu par les tribunaux tchécoslovaques, ces 6 personnes ont donné des armes aux adversaires du régime installés à l'étranger. Ce procès a suscité la protestation de nombreuses personnalités en Occident. Jimmy Carter, Margaret Thatcher se sont déclarés inquiets. Plusieurs dissidents soviétiques, dont Andrei Sakharov, ont souhaité dans un appel commun que les peuples d'Europe de l'Est soutiennent les 6 accusés tchèques. Les juristes occidentaux qui souhaitaient se rendre à Prague pour assister au procès n'ont pas tous obtenu de visa. Enfin, le voyage que le ministre des Affaires étrangères Jean-François Poncet devait faire en Tchécoslovaquie est reporté, une manière pour les autorités françaises de marquer leur désapprobation à l'égard de la répression qui frappe les dissidents tchèques. Les gens qui venaient à Prague et qui s'intéressaient à la problématique des droits de l'homme, Ivanka Lefeu, étaient aussi les écrivains, aussi les metteurs en scène, comme Patrice Chéreau, les écrivains, bon, Jean-Yves Potel, un grand mathématicien, Jean Guédonné, qui sont venus au mois d'octobre, où se tenait à Prague le procès avec le VONS, qui était la Ligue tchécoslovaque des droits de l'homme. Le VONS, c'était donc le comité pour la défense des personnes injustement poursuivies. Et donc, pour soutenir ces personnes injustement poursuivi, y compris Václav Havel, effectivement, ces Français sont venus, ils étaient eux-mêmes arrêtés. Patrice Chéreau, 20 décembre 1979. Nous avons demandé à assister au procès, qu'on nous a refusé. Nous avons demandé à visiter les accusés, ça nous a été refusé aussi. Et nous avons fait les 100 pas devant le tribunal pour attendre le verdict. Nous avons été arrêtés après et nous sommes restés une heure, où nous avons été malmenés un peu brutalement, comme ça, séparés. Puis on a attendu un interprète et puis on est allé dans les locaux de la police politique, parce qu'il y a plusieurs polices. Et ces gens-là, finalement, ne savaient pas quoi faire de nous et je pense qu'ils étaient plutôt embarrassés. Ils nous ont confisqué les notes qu'on avait prises sur le procès, des choses qui nous avaient été racontées, que nous essayions justement de vérifier. Tout ça se passait dans un local où il y avait un portrait de Staline. Il y avait même plusieurs, puisque dans tous les bureaux où les gens, il y avait des portraits de Staline. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langue étrangère. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances le permettront. C'était très important pour les Tchèques de pouvoir écouter Petr Janiska, deux stations de radio qui émettaient en tchèque, entre autres langues. C'était la radio Free Europe, donc l'Europe libre, qui émettait de Munich. Et puis la radio Voice of America, la voix de l'Amérique, qui émettait aussi de l'Allemagne. Tato znělka patří illégální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti. Dans ces deux stations, il y a eu des rédactions tchèques, polonaises, hongroises, slovaques et autres. Et les milieux dissidents et d'opposition tchécoslovaques trouvaient toujours une possibilité de passer l'information sur ce qui se passait ici. Si un dissident a été arrêté, tout de suite quelqu'un est allé dans une cabine téléphonique publique, appelait vite la Radio Free Europe, passait quelques phrases et s'en allait. Continue dans une autre cabine, par exemple. Ce que je faisais régulièrement, c'était les comptes rendus de VONS, la Ligue tchécoslovaque des droits de l'homme. De défense des personnes injustement condamnées. Poursuivies. Pas toujours condamnées, heureusement. Ivanka Lefebvre. Et donc, moi, j'ai téléphoné à Paris. Et là, cette fois, je lisais mot par mot, point virgule, le compte rendu du VONS pour qu'il passe de l'autre côté de la frontière. Hier, j'ai téléphoné donc à Paris, à Ivanka Tigridova, mais aussi à Vienne, à Monsieur Medek, et aussi à Londres, à Jan Kavan. Et Radio Free Europe relayait ces informations, ce qui voulait dire que tous les Tchécoslovaques pouvaient savoir ce qui se passait dans ce pays. Les choses dont on ne parlait jamais, évidemment, dans la presse, ni la télé, ni la radio officielle, c'était quelque chose de très, très important. Et les gens comme moi, mon entourage, mes amis, on a tous été collés tous les jours à 9h, je pense, du soir, au poste de radio, qui ont été brouillés, évidemment, mais pas suffisamment. Et donc, on le comparait avec la BBC une heure après. Ça, c'était très, très important. Voláme občany z Lednického Rovného. Rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Dobře vidíte. Les gens de l'Ouest, souvent, pensent que l'Europe de l'Est, les pays qui dépendaient de l'Union soviétique, on pouvait voyager comme à l'Ouest. Rien de tel. Jan Sokol. Après l'achat, je n'avais pas aucun passeport. Et donc, les contacts réels entre les pays de l'Est étaient très faibles, se faisaient en la plupart des cas à travers la radio. Volá hlas svobodného Československa, Radio Svobodná Evropa. Jacques Derrida est venu à Prague à la fin de l'année 1981, au mois de décembre, et il a tenu une conférence sur le discours de la méthode de René Descartes. Et cette conférence se tenait dans un appartement de Ladislav Hejdánek. Jacques Derrida, 2 janvier 1982. Participer à des séances de travail de travail philosophique pour témoigner par ce geste à la fois effectif et symbolique de la solidarité de la mienne et de celle de certain nombre d'intellectuels français à l'égard de ceux qui en Tchécoslovaquie, chartistes ou non chartistes, luttent à leur manière légale, je le souligne, contre toute violation des droits de l'homme. Il y avait la première conférence et Derrida devait faire la suite, mais malheureusement il n'est pas revenu, donc on est allé le chercher à l'hôtel, on a commencé à se poser la question, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, on a appris à l'hôtel qu'il n'a pas dormi à l'hôtel. Et il s'est avéré qu'il était arrêté par la police secrète et il était même emprisonné, ce qui était quand même un grand événement. Et moi, à l'époque, j'ai demandé l'asile politique, que j'ai demandé à l'ambassade française à Prague. Je sais, c'était l'hiver, c'était vraiment, il faisait très froid. Et moi, dans ma petite tête, j'imaginais, oh, je vais à l'ambassade française, ils vont m'accueillir, ça va être sympa, ils vont m'offrir un café ou un thé pour me réchauffer et tout ça. Et Monsieur Manin m'a accueilli et en disant, nos bureaux sont écoutés de la même façon que vos appartements. On va rester à l'extérieur. Donc, je me rappelle que dans la petite cour, avec Obchevoskinamieski, avec le froid épouvantable, on était sous un arbre. Et c'est là où je donnais des informations sur les derniers événements avec Derrida. Et Monsieur Manin m'a dit à l'époque, il y a même le président de la République française, hein, c'était François Mitterrand, qui s'intéresse au destin de Derrida. 31 août 80, dans la grande salle de conférence des chantiers navals de Gdansk, le vice-premier ministre polonais, M. Jagielski, et Lech Walesa, électricien, signent ce que l'on appellera plus tard les accords de Gdansk. Pour la première fois dans un pays de l'Est, un syndicat indépendant du Parti communiste et autogéré se voit reconnaître une existence légale et nationale. Mais il y a désormais deux Polognes légales. La police tchèque est devenue complètement folle, en lien aussi avec la situation en Pologne. Très violente, y compris avec les violences exercées sur les opposants, les violences physiques. Donc c'était le cas de mon ami Zina. Il y avait d'autres personnes comme Zbigniew Benišek, le peintre, qui était étranglé pendant les interrogatoires avec une serviette humide jusqu'à perte de connaissance. Il y avait un musicien qui s'appelle Vlastimil Trzeciak qui lui était brûlé avec des cigarettes ou des sous les ongles avec des allumettes ou les cigarettes. Cette pression, je dirais que pendant une douzaine d'années, je voulais pas partir parce qu'il y avait des interrogatoires où la police secrète disait oui, partez, voilà, nous-mêmes disant voilà, c'est le monde occidental, vous plaît tellement que vous avez des contacts, n'est-ce pas, avec des Français, avec les Allemands, avec des Anglais, donc partez, allez là-bas. Et moi, à l'époque, je disais non, je ne vais pas partir, c'est mon pays natal, je vais rester là. Les personnes qui doivent partir, c'est ceux qui sont venus en 1968 pour occuper le pays. Donc pour moi, ceux qui devraient partir, c'était les soldats soviétiques. Le jour du départ, le 14 juin 1982, une trentaine de personnes sont venues à la gare pour nous dire adieu, ainsi que à Zina, Jirka et Honza. J'ai reçu des fleurs et de la nourriture pour le voyage. du pain beurreur, de la charcuterie, des tomates. En plus des membres de nos familles, de nombreux amis et voisins étaient là. Le train a bougé. Otka Bednachova et ma mère se sont mis à courir le long du train. Pour la première, c'était le départ à jamais de ses deux fils. Pour la deuxième, c'était la perte de ses trois petits-enfants, de sa fille et de son gendre. Le train accélérait. Et les mères courent. Et les mères courent encore. Et les mères courent toujours. L'opposition tchécoslovaque, l'opposition hongroise et l'opposition polonaise commençaient à se rencontrer, à se contacter, à échanger les idées, à même publier ces textes dans d'autres langues. Et là, il faut parler des Polonais, parce que ils avaient des imprimeries illégales. Petr Janiska. Ils imprimaient des affiches illégalement, les distribuaient illégalement. Et les Tchécoslovaques et les Polonais se sont mis à rencontrer sur la frontière. La frontière passe par la montagne. Et là, ils se sont rencontrés avec des sacs à dos pleins de livres, de textes. Ils publiaient des déclarations communes, politiques. Et de cette époque dataient les amitiés des gens comme Michnik, Kouroń, Lityński du côté polonais, Havel, Dinsbir et autres du côté tchécoslovaque. Parce que on est dans une période où toute la frontière tchécoslovaque, comme la frontière de tous les pays communistes, a été une vraie frontière, avec les gardes, avec les chiens et tout. Mais entre la Pologne et les Tchèques, parce qu'il y a une montagne, un peu comme si les Alpes pour la France et la Suisse. Et là, il y a eu un petit sentier, le seul où les Tchèques pouvaient passer même du côté de la frontière polonaise, sur quelques mètres évidemment, et pour les Polonais, de quelques mètres du côté tchécoslovaque. Donc les gens pouvaient y aller sans avoir de passeport. Des fois, on passait des manuscrits tchèques aux Polonais, qui les ont imprimés là-bas et ensuite remportés dans leur sac à dos pour les distribuer ici en Tchécoslovaquie. D'où avaient les Polonais ce matériel ? Grâce à la CFDT française, notamment. Parce que après l'écrasement de la solidarité en Pologne, les milieux français, surtout la CFDT et les syndicats, étaient très, très actifs et ont fourni des dizaines, des centaines de gros camions d'aide humanitaire, parce que à l'époque, en Pologne communiste, tout manquait, le savon, les serviettes pour les enfants, tout. Et dans les boîtes au savon, on mettait aussi des pièces détachées, des machines à imprimer, etc. Bon, il faut savoir quand même que, effectivement, la période la plus difficile après, c'était cette période entre 82 et 89 où on ne pouvait pas revenir à Prague. Et c'est vrai que, c'était quand même, je dirais, il y a des conséquences toujours hein, sur la famille, sur les liens que mes enfants pouvaient avoir avec ma grand-mère, parce que vous pouvez pas reconstruire ou remplir cette lacune. Je suis partie avec 3 enfants, 5 ans, 3 ans et demi et 8 mois. Ma fille Eliska, Elisabeth, elle avait que 8 mois. Donc quand vous partez avec un bébé de 8 mois et vous ramenez après aux grand-mères ou à la famille une jeune fille qui va sur ses 9 ans, il y a quelque chose qui est irremplaçable, qui ne peut pas se reconstruire. Et encore, j'ai dit les grand-mères, Madame Iblerova, la grand-mère paternelle, est décédée en 89, mais avant novembre 89, donc elle n'a jamais revu ses petits-enfants. Thank you. Dans ce contexte, quelques jours avant Noël 88, donc un an avant la chute des régimes, c'est un certain François Mitterrand qui apparaît à Prague. À part de rencontrer les représentants officiels, évidemment, il tient à rencontrer les milieux dissidents. Et à l'ambassade de France, l'ambassadeur organise un petit déjeuner. Petr Janiska. Entre François Mitterrand et 7 ou 8 personnalités de l'opposition, telles que Václav Havel, Jiří Dienstbier, qui est devenu très vite ministre des Affaires étrangères, Petr Uhl. Si vous voulez, ce petit déjeuner, c'était un petit déjeuner et pas une vraie rencontre. Deuxièmement, c'était sur le sol français, donc les autorités tchécoslovaques pouvaient dire, voilà, on n'y est pour rien, on ne sait pas, les Français font ce qu'ils veulent sur leur territoire. Troisièmement, le petit déjeuner avec 8 personnes qui, toutes, risquaient d'être emprisonnées immédiatement après être sorties de l'ambassade. Alors, là, le petit déjeuner était prévu pour 30 minutes. Donc vous voyez un peu le côté assez superficiel, ce côté plutôt, aujourd'hui on dirait, un geste. L'écho considérable que suscita en France ce qui fut appelé le printemps de Prague et le prestige moral qui s'attacha chez nous aux actes et aux personnes qui à nos yeux illustraient les valeurs auxquelles nous croyons et que nous célébrerons solennellement à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de s'exprimer, de s'associer, d'aller et de venir. La télévision tchécoslovaque n'en a pas du tout parlé, ni la presse tchécoslovaque. Mais les gens, tout de suite, ont appris grâce aux stations de radio occidentales. Et ce geste a été très, très, très important, évidemment. Et ce geste a permis à la France, après la chute du régime, de renouer vite avec ces personnes et avec l'idée que voilà, François Mitterrand était là comme le premier, la France, etc. Donc la France, par ce biais-là, est très présente. Mais je ne sais pas si elle joue très bien sa politique vers cette nouvelle Europe, parce que François Mitterrand, très vite, dit, et à trop haute voix et trop explicitement, que l'élargissement, ça va prendre énormément de temps, il faut attendre, il faut voir, etc., etc. Et il a eu cette idée malheureuse d'organiser une structure beaucoup plus large, ce qui n'était pas une mauvaise idée soi-même, parce que les nouveaux pays ont compris qu'on ne peut pas devenir membre de l'Union du jour au lendemain, qu'il fallait avoir une période de transition, quelques années. Mais la mauvaise idée des conseillers de Mitterrand, c'était d'inclure dans cette structure aussi l'Union soviétique. Alors, pour les pays qui venaient de se débarrasser de ce joug de colonialiste, parce qu'on était une colonie soviétique, avec toujours une armée soviétique sur notre territoire, c'était impensable. Et là, je pense que c'était une grande erreur. Je pan Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československej Socialistickej Republiky. Vous venez d'entendre Alexandre Dubček le proclamer officiellement. Václav Havel a été élu ce matin à l'unanimité par l'Assemblée nationale président de la République de Tchécoslovaquie. Aussitôt après cette élection, le nouveau chef de l'État tchécoslovaque a prêté solennellement serment. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé Socialistické République. Je jure en mon honneur et ma conscience fidélité à la République socialiste tchécoslovaque. Je veillerai au bien-être des nations et des nationalités. J'assumerai mes obligations en accord avec la volonté du peuple et dans son intérêt. Je respecterai la Constitution et toutes les autres lois. L'histoire est bien souvent imprévisible. Qui eût pu imaginer il y a encore 2 mois tous les bouleversements qui se produiraient dans les pays de l'Est? Qui eût pu prévoir il y a 1 semaine que la Roumanie sortirait de la dictature pour retrouver le chemin de la démocratie? Qui eût pu mesurer le chemin parcouru en Tchécoslovaquie? Au début de cette année 89, Alexandre Dubček, l'homme du printemps de Prague, était encore considéré comme un réprouvé et le dramaturge Václav Havel était encore en prison. Aujourd'hui, Dubček est président de l'Assemblée nationale et depuis ce matin, Havel est président de la République de Tchécoslovaquie. nemá se štkát. Salome, netanči, nechceš-li, Salome, hosté už odešli, jenom roj komárů dopí z poháru, krůpě je vína. Salome, la nuit est finie. Salome, trochu si pobledla. Salome, tu danses. Salome, v koutku si usedla. La nuit diminue. Píčka máš šedivá. L'empereur sourit. Nikdo se nedívá. Salome, je peux vivre en paix. ...1968-1989... une dissidence tchécoslovaque. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin réalisé par Thomas Duterre, avec Petr Janiska, Jan Sokol, Ivanka Lefeuvre, Ondřej Žvek, Ivan Švatík. Traduction, Ondřej Žvek. Archivina, Viviane Lefebvre. Discothèque de Radio France, Romain Couturier. Prise de son, Nicolas Mathias. Mixage, Jean-Michel Coqui. Lecture, traduction et chant, Marketa Zatoukalova. Remerciements au CEFRES, le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague, à tout son personnel et à sa directrice Clara Royer ainsi qu'à l'Institut français qui ont rendu possible ce documentaire. Demain, jeudi, nous poursuivons notre série consacrée à l'histoire de l'Europe centrale et nous nous promènerons dans Prague, le Prague médiéval et le Prague néo-médiéval. Si vous voulez écouter cette émission ou la télécharger, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.